cours numéro 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakmil al-a'iq al-khamis, le cinquième obstacle, adam at-tadarruj fil ilm. At-tadarruj, c'est apprendre al-ilm étape par étape, petit à petit. Famin al-a'iq, parmi les obstacles, c'est le fait de vouloir apprendre tout d'un coup, ne pas respecter l'ordre. Et on avait commencé à lire هذا الباب, enfin on finit. وبالله التوفيق. قال وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ظل ومن تعداها مجتهدا زل. هذا المنهج في طلب العلم أي التدرج سطريقة السلف طلب العلم درجات ومناقل ورتب يعني نغض يعني des étapes livre après livre matière après matière. أما celui qui ne respecte pas هذه المنهجية فقال الإمام أبو عمر رحمه الله ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف. Celui qui délaisse cette voie, en fait, il va délaisser la voie des salafs fi hadha al-bab. Et ça peut être cause d'égarement. Ayyadan billah. Limadha li anna celui qui apprend l'ilm de la mauvaise manière, avec la mauvaise méthode, rubbama la yafham al-masail. Rubbama il mélange. Rubbama il exagère dans certaines choses. Rubbama il ne comprend pas et il yatakallam. Il fait passer mathalan hadha al-hadith avant hadha. Alors qu'un des deux hadiths, il est daïf. Limadha li anna il n'a pas compris. Ou il ne connaît pas ma yata'alaq bil masalih wal mafasid wal umum wal khas. Limadha li annahu il n'a pas les outils pour. Hada, ça viendra avec le temps. Al-ilm, il faut du temps. Qala rahimahullah, ayya Cheikh Abdussalam, fa awwalu al-ilm, hifdhu kitabillah, jalla wa azz, wa tafahumuhu, wa kullu ma yu'in ala fahmi, fa wajibun talabuh. La base c'est ça. Awwalan al-Qur'an, al-Karim. Et tout ce qui te facilitera à apprendre le Coran, la lecture. Pour apprendre le Coran, il faut savoir lire. Comprendre l'arabe, ça va t'aider. Mouhim, faire des efforts dans la langue arabe, ça va t'aider pour apprendre le Coran et le Karim. قال فواجب طلبه ولا أقول إن حفظه أما هذا أنا جدي كلام شعب السلام لا هذا سي كلام أنا دائما في كلام ابن عبد البر رحمه الله. قال ولا أقول أي كلام ابن عبد البر قلنا رحمه الله إن حفظه كله فرض ولك هذا خطأ في نسخة ولكني أقول ولك أقول هذا سيدان أطخ نسخة في نسخة أخرى ولكني أقول إن ذلك واجب dans une نسخة شرط لازم من أحب أن يكون عالما ليس من باب الفرض. C'est pas obligatoire d'apprendre le Coran par cœur. Lakin, celui qui veut avancer fil ilm, celui qui veut devenir un savant, bi idnillahi azza wa jal, fa il doit faire des efforts fi hadha al-bab. Wa la yaqul annahu il peut pas, annahu il a atteint un certain âge. La, ijtahid, fais des efforts et asa Allah subhanahu wa ta'ala yiftaha alayk. Et celui qui peut pas, comme a taqaddam ma'ana fi kalam Cheikh Sa'di, on avait lu marra, celui qui peut pas, fa yukthir min tilawatih. ويعتني بتفسيره والحمد لله أهم شيء العناية العناية أما الدلسمان de la source la principale source القرآن فهذا من الضعف c'est pas la bonne méthode. قال فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. كذلك دون importance ناسخ ومنسوخ يدرس رسائل في هذا. Certains versets في القرآن الكريم ils ont été abrogés par d'autres. فكونتر ces versets c'est طيب. حتى الإنسان لا يظن أن ست آية منسوخة أن الحكم اللي بازي سور سو فيرسي لا اللي بازي سور الناسخ وهكذا في الأحاديث. هذا العلم اللي امبورتون الناسخ والمنسوخ أي الversets qui sont abrogés par d'autres. قالت ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعز في كتابه وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. كذلك دون l'importance السنة فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن فكذلك c'est pas fini الحفظ كذلك حفظ السنة لأن السنة elle va t'aider à comprendre هذا القرآن. قال وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن. أي quand il a cité sunna c'était pour il continue à détailler في الناسخ والمنسوخ. كذلك ce qui t'aidera à comprendre الناسخ والمنسوخ l'étude de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. أي à telle période le Nabi صلى الله عليه وسلم il a reçu on lui a révélé, Allah lui a révélé ce verset qui abroge tel verset. هذا tu le trouves كثيرا في السيرة. قال ومن طلب السنن فليكن فقال ومن طلب السنن فليكن معوله نعم فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ يستعان به كان هو مما يستعان به نعم ومما le deuxième mot il est c'est un خطأ mettez une إشارة ومما يستعان به. Dans Manuskhana, il y a deux waw. Enfin, ceux qui ont deux waw, le deuxième waw, c'est un mime. قال ومما يستعان به على فهم الحديث العلم بلسان العرب ومواقع كلامهم وسعة لغتهم واستعارتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبيها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلم السنة والفرائض واللحن يعني النحو كما يتعلم القرآن. L'importance d'apprendre la langue arabe. Et on répète لأن القرآن est en langue arabe. سنة النبي صلى الله عليه وسلم c'est en langue arabe. العلماء parlent en langue arabe. Les doros tu les trouveras en langue arabe. Les livres en langue arabe. C'est la langue de notre din. Si tu veux avancer via le din, fais des efforts dans la langue arabe. وحذر وإياك أن تعتمد دائما على التراجم. Fais attention de ne pas دائما revenir aux traductions et compter sur la traduction. Et ne pas faire d'efforts en langue arabe. لأن البعض ربما ils font plus d'efforts en langue arabe. لماذا؟ لأنهم ils ont trouvé quelques livres traduits, quelques doros en français, quelques articles. Et كأنهم ça leur suffit. Là, ce que tu trouves en français, c'est pour t'aider. Ça t'ouvre une porte pour te motiver fil ilm. Si tu es motivé et tu fais des efforts, fa'alam annahu labud min hadhihi al-lugha, lughat al-Qur'an. Qala thumma qala Ibn Abd al-Barr rahimahullah. Ay on est دائما في كلام ابن عبد البر. فعليك يا اخي بحفظ الاصول والعنايه بها واعلم ان من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبيرها واقتداء بهم واقتدى بهم في البحث والتفاهم والنظر وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبه عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. أي donner de l'importance aux bases, aux fondements, que ce soit في اللغة, que ce soit fi al-aqida, que ce soit fi al-tawhid, que ce soit fi al-fiqh, que ce soit fi al-hadith. Tous ces ulum, il y a des usul, des qawa'id. Et tu les comprendras en étudiant bi-idhnillahi azza wa jalla les mutun. Les mutun, il y a des petits livrets, مثلاً, que ce soit fi al-tawhid ou fi al-fiqh ou n'importe quelle matière, et c'est des usul, des bases. Fais des efforts fi hada. Fais des efforts. Si tu peux les apprendre par cœur, كذلك une étude بعلم بإذن الله عز وجل ستوبغيغا لي بورت في في pour les مسائل pour les autres مسائل. أما celui qui n'a pas هذا ف il sera obligé de قلد. والتقليد سي با دو علم أبدا. التقليد celui qui n'a pas étudié, qui ne connaît pas, il n'a pas le choix. فلا بأس مع هذا si الحق lui apparaît, il revient au حق. لكن أحيانا بعض الناس ils n'ont pas les moyens de demander, de comprendre, de lire. Alhamdulillah s'ils suivent un alim min as-sunnah. Et s'ils s'aperçoivent qu'il y a une erreur, ou ils ont connaissance d'un hadith, ou d'un verset qui montre le contraire, ils reviennent au haq. Lakin al-taqlid ala kulli hal, c'est pas du ilm. Et pour sortir du taqlid, il faut étudier hada al-ilm. Et l'étude de ce ilm, c'est en étudiant al-usul. Amma mujarrad al-aqwal, connaître un tel il a dit, un tel il a dit, hada fil haqiqa, ça ne fera pas sortir l'insan min al-taqlid. لأنه يبغى برجح يبغى بكمبخوند الترجيح فلهذا العناية بالأصول أصول العلم مهم faire des efforts في هذا قال فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم هذا هو الطالب أي طالب علم بمعنى الكلمة سي هذا يدن دو لامبورطونس او حفظ يدن دو لامبورطونس او تدرج أي المنهجية يا اون فاسون دابخون هذا بإذن الله عز وجل إلى غيره أما واحد يتخبط لا حفظ لا تدرج il revient pas أهل العلم il a pas de moutoun أي il étudie pas des moutoun pour avancer là مرة il lit une fatwa sur internet مرة il lit la parole d'un savant dans un shir, Marra, il écoute ou Ahed qui lui dit un tel, il a dit, c'est pas ça l'ilm. Ça, c'est des connaissances. Lakin, ça fera pas de toi un talib ilm. Talib ul-ilm, c'est celui qui donne l'importance à la mémorisation. Awwalan, kadhalika ad-dirasa 'inda ahli al-ilm, et il étudie l'ilm étape par étape. Fahada, s'il est bien sûr sincère, il est régulier, il patiente, à un an, deux ans, trois ans, quatre ans, 5 ans, il a un yasha Allah, et bien, il deviendra qawi, il pourra faire profiter les autres. Il pourra avancer en revenant au livre, en revenant au savant. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد علم قصر العمر وكثرة العلم فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليك بذلك منه شيء. تأمل قوله رحمه الله وقد علم قصر العمر وكثرة العلم. لماذا إلى سيدي هذا؟ On sait tous que on n'a pas beaucoup de temps. هذا c'est si on se met 100% في العلم. تفرغ تام. لأن العمر il est قصير. Notre durée de vie elle est courte. فسي on se met 100% dans ce علم, la durée elle est courte. قال وكثرة العلم. Alors que العلم, si tu viens à, si tu veux répertorier tous les livres, tous les aqwals, c'est énorme. Tu n'arriveras jamais, même si tu te mets à 100%, tu ne dors pas, tu ne manges pas, il a akhri. Si on qaddar, matalan, tu n'arriveras pas à prendre tous les livres. Falihada al-ulama, il conseille, tu prends al-aham. Tu n'es pas obligé de tout apprendre et tu n'arriveras pas. Ma balouk l'an, celui qui ne donne pas tout son temps. Il donne, matalan, qu'une heure par jour ou deux heures par jour. Hada là, chacun a son temps, il sera encore plus court. فهذا il pourra pas tout apprendre. فلهذا العلماء il conseille prends الأهم petit à petit et prends l'essentiel ثم avec le temps t'approfondis. أما وعضهم ربما une semaine, deux semaines ils font beaucoup d'efforts et ils se mettent à 100% ثم ils abandonnent, c'est pas une méthode. لماذا ils abandonnent? لأنهم ça devient trop lourd, c'est trop compliqué. أما قليلا قليلا chacun par rapport à ses moyens, chacun par rapport à sa capacité, الحمد لله tu atteindras le niveau que Allah il a قدر, tu ne dépasseras pas. Fais l'asbab فقط. الحمد لله الإنسان il est à la خير. L'essentiel c'est qu'on soit sincère et qu'on applique. On ne deviendra pas tous des savants, tous les étudiants, tout le monde devient des savants. Là Allah subhanahu wa ta'ala il a une hikmah. L'essentiel c'est le niveau de ilm qu'on a, on le met en application. Celui qui il devient un savant, falyahmadillah. Et celui, c'est un talib ilm, yahmadillah. Celui qui reste un ami, falhamdulillah, l'essentiel, chacun par rapport à son niveau, on applique. Kadhalik, chacun selon son niveau, on connaît notre place. Celui, maintenant, c'est un ami, c'est pas un talib ilm, il reste à sa place. Et il ne rentre pas dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Celui, Allah fatah alayhi, c'est un talib ilm, il reste à sa place. طالب علم ça veut pas dire un savant. وهكذا chacun à sa place. Mais ce qui fait du mal, un, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts fait l'ilm et que ثيرون من الناس ils sont plus à leur place. C'est ça qui a donné cette époque de fitna. Contrairement à l'époque des salafs, beaucoup de ilm et chacun à sa place. Est-ce que tout le monde parlait à l'époque de l'a'imma? Abadan. يقولون ان في المدينه à l'époque de l'imam Malik, personne ne faisait le fatwa quand l'imam Malik il était présent, rahmatullah alayh. C'était la référence à son époque. Hakada, ils ont été éduqués. Pourquoi parler à un imam? Amma nahnu al-an, dans beaucoup de masaïl, tout le monde parle. Et c'est ça qui fait du mal. Beaucoup de fitan, qil wa qal, et pas beaucoup d'efforts fait l'ilm. Et on a la situation qu'on vit l'an, ayyadam billah. Lakin, on fait des efforts. On fait des efforts et on conseille. Celui qui accepte, alhamdulillah, celui qui accepte pas, on se corrige nous-mêmes, avoulim. Qala, وإن صح له قراءة القراءات السبعة وأشياء من النحو وكتب اللغة وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن من حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء فلينظر في أصول ذلك. Ça c'est des نصائح. نحن n'a pas atteint ce niveau. نحن on fait des efforts في القرآن. أما القراءة السبعة on a des choses plus importantes. Et qu'on n'est pas sa عقيدة. Il ne connaît pas al-fiqh, il ne sait pas comment faire salat. Il ne connaît pas des choses de base. Et des années, il est fait le qira'at al-sab'a, il est sept lectures. Probablement, ça va lui prendre des années. Probablement, il est mort et il n'a pas fini. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ce n'est pas une obligation. Celui qui connaît une lecture, alhamdulillah, il y a beaucoup d'autres choses. Al-umma a besoin d'une da'wa fi tawhid. في بيان المنهج الصحيح في التحذير من الشرك من البدعة. أما كم من الناس الآن يكونس لي ست لكتور par cœur et aucune دعوة au توحيد, aucune mise en garde contre le shirk, aucune دعوة إلى السنة, aucune mise en garde contre le بدعة, que ils sont reconnus comme étant des récitateurs. Là l'umma a besoin de علماء. أما les récitateurs فكثر. قال وقد رتب العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب. على كل حال نعم سكون لي الآن c'est des exemples, les savants ils disent de faire telle chose, faire telle chose. على كل حال en revenant au savant, en revenant à ton shaykh, فبإذن الله عز وجل tu sauras par où commencer et quoi faire. قال ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عنه كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له ثم هذا مهم. C'est مهم d'abord des bases كذلك في السيرة. فمثلا il a cité un exemple, connaître نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est qui son père, c'est qui son grand-père, sa tribu, ses enfants, ses femmes. هذا c'est مهم avoir des bases, avoir des bases في السيرة ولو باختصار. ومن أحسن الكتب في هذا الفصول للإمام ابن كثير رحمه الله. كتاب très simple, il a résumé la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. كذلك مختصر السيرة للإمام المقدسي للطيب عليه رحمة الله. المهم العناية وموافق دي باز في هذا. قال ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مظانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة. الفقه il commence par les bases, il étudie un متن مختصر, que ce soit منهاج السالكين, que ce soit الدرر البهية لمن شوكاني, هذا سيستفيد منه. أو il étudie عمدة الأحكام, هذا ينفع. كذلك العناية بأصول الفقه ça va l'aider à comprendre الفقه. قال ويتشاغل بأصول الفقه, هذا إلا ستي. قال وبالفرائد وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. نعم ça c'est important الفقه, لكن pour comprendre هذا الفقه il faut avoir des bases en langue arabe, il faut avoir des bases في الأصول, أصول الفقه, كذلك quelques bases في المصطلح الحديث pour comprendre si الحديث est ضعيف أم لا. Et commencer par les petits livres, qalidan qalidan. Hada c'est muhim. Al-fiqh c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer. C'est ça le fiqh. Comment faire salat, comment faire siyam, comment faire le hajj, ça c'est muhim jiddan. Wa li hada on conseille de pas perdre son temps. Fi uloum, c'est des uloum, مثلا l'apprentissage des 7 lectures ou des 10 lectures. C'est la chèque, c'est du ilm. Lakin al-ulama ils insistent et ils montrent qu'on doit faire les choses dans l'ordre. Ah, on sait pas faire salat. On ne connaît rien de la zakat, on ne connaît rien sur le siyam, rien sur le hajj, des choses muhim. Et Et notre temps, il est كله في القراءات ربما on n'arrive pas à finir. لا هذا c'est pas من الحكمة. كذلك بعضهم يبغض leur temps في التوسع في اللغة. هذا كذلك لا ينبغي. À notre niveau, on ne doit pas perdre notre temps في هذا. Tu comprends la langue arabe, tu sais lire, tu sais écrire, tu as des bases في النحو. Alhamdulillah, يكفيك pour l'instant. كذلك ne pas perdre son temps de التوسع في الأصول, في أصول الفقه, في المصطلح. Tout ça, c'est des outils. أما la base, c'est le tawhid, c'est l'aqida et c'est le fiqh. On n'a pas le droit de délaisser la base et mettre toutes nos forces, toute notre vie dans l'ulum al-al. Et les outils qui aident à comprendre la base. هذا لا. انتهى كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله. قال من سيد الخاطر. قال شيخ عبد السلام رحمه الله هذه شذرات من توجيهات العلماء رحمهم الله تعالى لطالب العلم وهي خلاصة تجاربهم في طريق التعلم أهدوها لنا حفاظا على وقتنا ورعاية لتأسيسنا على النهج القويم فلا نحد لا نحد أي أندلس الميل أي أنديفي عن هذا الطريق فلا نحد عن طريقهم لئلا يقع الخلل في معلوماتنا فتخوننا ونحن أحوج ما نكون إليها أي إدي مونتخنا فباك مونتلز هذا الطريق كل علماء إذا مونتخي في التدرج لماذا لأن ميم سي اون إتيدي هذا العلم سا بو دوفينيغ أن ضرر أي سا سو ميلونج أون كومبخون با ربما أون أ بوزوان دو سيت مسألة أون أغيف بلو أ لماذا لأن يا با دو تدرج في الحفظ وفي الدراسة دونك العلم سي طيب لكن لابخوندغ كوريكتومون قال إلى سيت ان فير دو بويزي من لم يشافع عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون اي سيلو كي روفيان با او سافون او باز لا بون ميثودولوجي فيقينه في المشكلات اي كونت يلورا بيزوان خاصة في امور الخلاف او المشاكل سون يقين سا سيرتيتود سا دوفياندرا دي دوت لماذا لان العلم لي با مؤصل اي تأصيل علمي هذا صعيب Ça arrive. On a une mas'ala. Au départ, on pense, biyaqin, on est sûr, il a akhira. Avec un peu de kalam, un peu de bahth, il a akhira, les doutes. Limada, liana, on n'est pas sûr. Manque de hifd, manque de dirasa, manque de revenir à ahl al-ilm, manque de lecture. Très vite, la certitude, elle se transforme en doute. Pourquoi, liana, il y a un problème à la base, fait talab, dans l'étude de la science. Qala rahimallahu ibn Abd al-Barr. إذ نعى طلاب العلم في زمانه وعاب عليهم خروجهم عن طريقة التعلم المعروفة عند السلف ابن عبد البر رحمه الله il a critiqué certains à son époque لماذا لأنهم ils ont délaissé la voie des salaf dans l'apprentissage فقال أي ابن عبد البر رحمه الله واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم ça c'est à l'époque de l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah Ibn Abd al-Barr il est avant Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah à son époque بعضهم ils ont eu un taqsir في طلب العلم et comment apprendre ils ont dévié عن السلف et ils ont innové ابتدعوا في دين الله et ils se sont égarés et ils ont égaré des autres Qu'est-ce qu'on va dire à notre époque? On doit faire attention. Vaut mieux apprendre un peu, lakin, ilm, inshallah, bi itqan, bi tadarruj, bi adab, bien sûr, al-amal, que beaucoup, thumma, rubama hada al-ilm, ça devient un darar ala sahibihi, iyadun billah. Qal wa qad rattaba ibn al-jawzi jadwalan lit-talib yablugh bihi al-muntaha fa qal. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a cité un programme. وَأَوَّلْ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُكَلَّفْ أَيْ طَالِبُ الْعِلْمِ فِي صِبَاهِ Quand il est petit, حِفْظُ الْقُرْآنِ مُتْقِنًا نعم, حِفْظُ الْقُرْآنِ مُتْقِنًا أي بإتقان فَإِنَّهُ يَثْبُتْ وَيَخْطَلِدْ بِاللَّحْمُ وَالدَّمِ خاصة pour les petits. هذا c'est مهم. Sinon on a eu un تقصير في هذا ou on n'a pas pu في هذا On pense à nos enfants. لماذا لأن حفظ القرآن en étant petit, ça reste. فلهذا قال فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. ça se mélange à ta chair et à ton sang, et ça reste. Et hada, c'est ma'rouf. Khassatan, les petits qui ont appris le Coran avec un mudarris, et ils l'ont appris bi itqan. Ha'oula, s'ils prennent beaucoup de temps, ils sont petits, wa al-ab yasbir alayhim, le mudarris yasbir alayhim, et khassatan, si le mudarris il a une bonne méthodologie, ربما هذا الولد il arrive à un certain âge, même s'il ne révise pas le Coran, il reste. Tu lui demandes de lire n'importe quelle sourate, à n'importe quel moment, il yaqra. لماذا لأن صاحب بإتقان. Et celui qui ne peut pas, alhamdulillah, chacun selon sa capacité. Apprends ce que tu peux. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Tu arrives à un niveau, tu as fait les efforts, alhamdulillah, par rapport à ton niveau, tu es à la khayr. قال ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن. ثم une مقدمة في النحو. Ça c'est important. حتى tu corriges اللحن. اللحن c'est les erreurs dans la grammaire. مثلا mettre une kasra au lieu d'une dhamma, mettre une dhamma à la place d'une fatha, c'est ça اللحن. لكن نحن à notre niveau, on a besoin de langue arabe. On a besoin de vocabulaire, on a besoin de savoir parler, de comprendre. Et pour les frères qui ne sont pas arabophones. هذا c'est مهم. Faire des efforts dans la langue arabe, que ce soit le nahou ou autre. ثم الفقه مذهبا وخلافا. كذلك faire des efforts sur le fiqh. لأن الإنسان doit apprendre comment faire الصلاة, comment faire الصيام إلى آخره. وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. Et on rajoute كذلك, c'est أهم الأمور, une base dans l'aqida et dans le tawhid. لأن الإنسان لا يتكري que pour هذا. Ce talib, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. نعم. Il doit faire des efforts. Des bases في التوحيد et des bases في العقيدة. هذا c'est مهم. قال ويضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث ومصطلحه ليكون الفقه مبنيا على القرآن وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيبلغ صاحبه الذروة في الفضائل. اي نعم. كذلك une base dans le hadith. حتى الإنسان il pourra comprendre pourquoi c'est صحيح, pourquoi c'est ضعيف. حتى s'il apprend quelque chose et c'est ضعيف, il sait que c'est pas pour mettre en application. Et il met en application الصحيح. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. On a déjà lu هذا, le passage أظن مع بعض الإخوة في أدب المعلمين والمتعلمين فنقرأ. كذلك il donne des conseils, il va citer quelques livres, un programme. قال رحمه الله أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح والمثمر لسعادة الدارين وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. كلام جميل. Ce programme et ses conseils, tout ce qu'on a vu auparavant et ce qu'on verra اليوم إن شاء الله تعالى, c'est par rapport à l'insan. L'arabophone, il n'aura pas le même programme que le non-arabophone. Celui qui connaît le Coran, il n'aura pas le même programme que celui qui ne connaît pas le Coran. وهكذا. على كل حال تستفيد أنت من هذه النصائح ثم quand tu apprends العلم فدائما tu es en contact avec العلماء المشايخ et tu demandes. Je commence par quoi? Un programme, il te cite par rapport à tes connaissances. مثلا tu précises Anna, je ne comprends pas bien l'arabe, je vis dans tel pays, je veux apprendre, et ils vont te citer. Commence par هذا, commence par هذا. À notre niveau, نحن الحفظ c'est important, on donne de l'importance كذلك à la langue arabe et كذلك au tawhid et à l'aqida. Et des bases sur le fiqh. هذا. Et tu avances. ولله الحمد. قال وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. أما qu'est-ce que tu vas étudier? Enfin, comme قال الشيخ, ça dépend. Ça dépend. حال la personne, son niveau, ses compétences, et ça dépend كذلك où il vit. Et par rapport aux moyens qu'il aura. Enfin, maintenant, dans tel pays, si ils enseignent tel livre, ça sera pas comme dans tel pays où ils enseignent tel livre. قال والحالة التقريبية في نظرنا هنا. Il va donner une hala à peu près. Aïe, pour que tout le monde en profite. Et on n'est pas obligé de suivre à la lettre, comme on dit. Là, l'essentiel, c'est que tu comprends. هذا التدرج ثم tu reviens au mashaykh et ils t'expliqueront. Et le programme qui va citer, le طيب. قال أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه. هذا on l'a déjà lu plusieurs fois. Et أظن أن on l'avait lu dans la رسالة نعم آداب المعلمين والمتعلم. فعلى كل حال au départ الطالب يشتغل بالحفظ. Il fait des efforts في الحفظ. حفظ القرآن Et كذلك كما قال هنا حفظ un متن مختصر dans la matière que tu étudies. مثلا tu vas étudier le tawhid, fais des efforts حفظ. Et tu donnes beaucoup d'importance, tu fais beaucoup d'efforts حفظ un متن مختصر. مثلا في التوحيد beaucoup d'efforts في حفظ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام. قال فإن تعذر, si tu peux pas ou tu as des faiblesses, tu n'arrives pas à retenir, tu répètes ce que tu retiens. Alhamdoulilah, ce que tu n'as pas retenu, au moins, c'est compris. قال فليكرره كثيرا حتى ترسخ معاني في قلبه ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. Ce matin que tu vas connaître par cœur, que tu as étudié, مثلا كتاب التوحيد, dans la science du tawhid, tout ce qui va venir après, ça sera pour expliquer هذا المتن. Les adillas, ça sera les mêmes. Lakin, ce que tu vas étudier après, ça va te détailler, approfondir, expliquer cette base. Cette base, elle va te servir. Et hakada dans l'aqidah, hakada dans le fiqh, hakada dans le usul, ila akhir. قال فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد لشيخ محمد. هذا سان بروغرام طيب. Une base dans l'aqida الواسطية et une base dans التوحيد, كتاب التوحيد. Et si tu rajoutes l'usul thalath, nawaqil islam, qa'il arba, alhamdulillah. Aham shay, tu as des bases. Et les deux bases, al-wasitiyya et kitab al-tawhid. Qal wa fil fiqh, mukhtasar al-dalil, wa mukhtasar al-muqni'. Ça, c'est des kutub fi madhab al-hanabila. Léana al-shaykh Sa'di, rahmatullah alayhi, fil mamlaka al-arabiya al-sa'udiya, ils étudient hada al-madhab kathira. Wa illa, y a d'autres livres. Qal wa fil hadith, bulugh al-maram. Ça sera utile dans le hadith et dans le fiqh, كذلك. Celui qui peut pas bulugh al-maram, umdatu al-ahkam. كذلك, au départ, celui qui n'a pas l'habitude d'apprendre, hifz al-arba'in an-nawawiyya. قال وفي النحو الأجرومية. نعم, c'est une base طيبة في النحو. واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها فإنها كالشروح لها. Apprendre ces moutons par cœur, les étudier, les comprendre, tout ce qui viendra après, ça te détaillera ses bases. C'est ça l'ilm. C'est ça l'ilm. Même celui qui va prendre le tawhid, un jour il a une fatwa d'un shir, thumma il commence la lecture de ce livre, thumma il délaisse, alors pendant des années il n'aura pas compris le tawhid. Une mas'ala qu'il n'a pas lu, la yafhamouha. Amma, kitab tawhid, maintenant ça va englober ghalib al mas'ail. Si tu apprends par cœur, tu auras le délit, thumma tu l'étudies, tu as compris, alhamdulillah. Et si tu fais ça dans chaque matière, tayyib. Qala, لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار ومن ضيع الأصول حرم الوصول. S'il a cette base, un متن, un petit livret avec tous les adillah, on a cité l'exemple de kitab tawhid ou al-wasitiyya, tout ce qui viendra après, ça sera beaucoup plus simple. C'est ça at-tadarruj al-an, cet obstacle qu'on lit ensemble, et adam at-tadarruj, ne pas être organisé. L'organisation et la méthodologie correcte, c'est هذا. Commencer par un متن مختصر. قال فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله عانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلك ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريق غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. Celui qui écoute ses conseils et qui applique cette méthodologie, فبإذنالله عز وجل, il va avancer jour après jour, à son niveau, et il va profiter. Celui qui délaisse هذا, il se fatiguera. لم يدرك إلا العناء إلا التعب. Le résultat, ça sera que de la fatigue. كما قال الشيخ سعدي كما هو معروف بالمشاهدة. الشيخ سعدي l'a vu هذا. Il a eu beaucoup d'élèves. Les ulama, ils ont vu هذا. On fait attention de ne pas faire partie de cette catégorie. Et là, ils se fatiguent, ils arrivent à un stade, ils ne comprennent plus, ça devient trop lourd, et le shaitan, il les écarte. Et là, ils disent, je veux faire autre chose. Là, les malades, ils se sont fatigués. Pourquoi ils se sont fatigués? Les malades, c'est la mauvaise méthodologie. Qala, Cheikh Abdus Salam, fahad aqtirah mufassal min al-Sheikh, rahimahullah. حري بالاعتناء وقد استقرينا تراجم علمائنا فما منهم من خرج عن هذا السبيل وبذلك حازوا قصبات السبق. نعم شيخ عبد السلام يقول ان ils ont étudié les biographies des savants et ils sont tous passés par là. Pas forcément ces livres, لكن une méthodologie, القرآن, الحفظ, un متن مختصر, matière après matière, petit à petit, un certain âge, alhamdulillah, ils sont arrivés au niveau qu'ils ont atteint بإذن الله. قال وليكن معلوم لدى طالب العلم أن حثنا على حفظ مختصر في الفقه ليس دعوة إلى التقليد المذموم، وإنما هو لفوائد شتى، منها امتلاك الطالب أساسا قويا في هذه المادة الشاهقة الإرتباع وحصر ذهنه في المسائل الموجودة في هذا المختصر. Ça c'est important. أن العلماء quand ils disent d'apprendre tel متن خاصة في الفقه، ça peut être un متن في مذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام مالك أوتر. Ça veut pas dire que c'est un appel au taqlid. لا، لكن c'est une طريقة طيبة. لماذا؟ لأن tu vas apprendre toutes les مسائل. Ça veut pas dire que tout ce que tu vas apprendre c'est صواب. مثلا ce قول في مذهب الحنابلة peut-être qu'il est مرجوح. Peut-être qu'il y a un قول راجح dans un autre مذهب avec un دليل qui est plus fort. لكن ça va t'aider à avoir un aperçu global du fiqh. Et tu auras appris هذا par cœur. Summa, avec le temps, tu corriges. Quand tu vas étudier le fiqh, tu vas apprendre que cette mas'ala, مثلا, l'imam Ahmed, rahimahullah, dans son madhab, قال ou كذا, et toi, tu sauras que al-sawab, c'est autre, et t'as un délit. Comme Cheikh Ibn Uthaymeen, il fait le charh al-mumti', il explique le madhab al-hanabila, et ahyanan, il cite, ça c'est qawl al-hanabila, et al-sawab, c'est khilaf هذا, et il cite le délit. C'est ça l'il. Amman, aucun متن ne pas revenir à une tariqa que les ulama ils ont cité, هذا c'est سبيل التخبط. Et كذلك, et c'est انفع, c'est d'apprendre في الفقه مثل عمدة الأحكام أو بلوغ المرام. Tu auras des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chaque mas'ala, ثم tu reviens à أهل العلم pour les comprendre. شروحات أهل العلم موجودة ولله الحمد. على كل حال, ceux qui étudient الفقه en apprenant avec un madhab, s'ils ne font pas du taqlid, c'est une méthodologie parmi les méthodologies. Lakin, la yajouz et taqlid, d'apprendre ce metn, de le mettre en application, et on n'a pas le droit de diverger avec ma fil madhab. Si ça contredit la sunna, fa yutrak hadha al-qawl. Qala, الموجود في هذا المختصر لئلا تختلط عليه المسائل فلا يستطيع التمييز بين أحكامها والسعي في تدرجه إلى إلى مراحل الاجتهاد. أنا جي أن تا أو إلى مرحلة الاجتهاد. فكأنه يا أن تا أو أن ألف أنتخو. قال إلى مرحلة الاجتهاد درجة درجة. وأن السلم هذه المختصرات. نعم. C'est comme une échelle. Et si tu veux monter, à chaque fois, tu montes pas à pas. Daraja, daraja. Et cette échelle, c'est fait de moutoun et de mukhtasarat. Hatta t'arrives au-dessus. Hada, c'est un mithal tayyib. Qal, wa laysa ma'na hifdhiha al-amal bi kulli ma fiha ila nabbath. Rahmatullah alayhi. Ça ne veut pas dire que ce metn qu'on a appris, on va tout mettre en application. Ou tout ce qu'il y a dans ce metn, c'est sawab. Là, ahyanan, on apprend un metn, et dans le metn, il y a un hadith dhaï. Lakin, on l'apprend quand même. أحيانا نقرأ متن القول يخالف الحديث، on l'apprend quand même. لكن ça veut pas dire qu'on va mettre en application. لكن au moins on aura un hib et on aura les masail dans notre cœur apprises par cœur. ثم avec l'étude de la science, tu sauras أن هذا c'est صواب et هذا c'est pas صواب. قال إذ لابد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويستدلها ويبين الراجح من المرجوح فيها. نعم كما تقدم. Avec un مدرس, avec une étude, الحمد لله, tu sauras ce qu'est الصواب et غير الصواب. قال والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة لا نريدها هنا إلا أنني أنقل حرفا عن المصنف الكبير المربي الفاضل العلامة الذهبي رحمه الله جعل لكل إنسان منزلته فقال من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد. Celui qui a la قدرة il peut rechercher, il peut رجح إلى آخره فلا يجوز له de suivre aveuglément. كما أن الفقيه المبتدي والعامي الذي يحفظ القرآن وكثيرا منه لا يسغ له الاجتهاد أبدا. كذلك celui un débutant, c'est un débutant, même s'il connaît le Coran, même s'il connaît certaines مسائل, même s'il a du حفظ, لكن et il n'a pas les capacités pour faire l'ijtihad, il recherche le haq, il revient à Ahl al-ilm, et amma l'ijtihad, c'est une manzila au-dessus. قال فكيف يجتهد وما الذي يقول وعلى ما يبني وكيف يطير ولم يريش قال والقسم الثاني c'est la parole de l'imam al-Dhahabi. On n'avait pas le qism al-awwal wa al-thani, lakin il a cité que la fin de la partie de l'imam, de la parole de l'imam al-Dhahabi. قال والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفاهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشغله بتفسيره وقوة مناظرته فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأمل للنظر في دلائل الأئمة متى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل به أحد الأئمة الأعلام فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحج عليه تقليدا. نعم إلى الستة درجة المجتهدين أنهم ils ont fait des efforts في العلم أنهم ils ont appris telle telle telle chose حتى ils ont atteint ce niveau. قال شعب السلام فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولم يعرفها فوق منزلتها وأخذ العلم على طريقة سلفه والله المستعان. Il a conclu هذا الباب avec cette nasiha طيبة. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. Celui qui connaît sa place, il est à la khair. Même s'il n'a pas beaucoup de علم. Même s'il n'a pas beaucoup de علم, il connaît sa place. Un talib علم, c'est un talib علم. C'est un ami. C'est un talib علم débutant, ça reste un débutant. Il a avancé, alhamdoulilah, chacun à sa place. وَلَمْ يَرْفَعْهَا فَوْقَ مَنْزِلَتِهَا. C'est ça qui fait du mal. فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. Ne plus rester à sa place. بَعْضُهُمْ il se précipite. Au lieu de commencer, celui qui ne connaît pas l'alphabet, il n'y a aucune honte, il n'y a aucun mal de commencer par l'alphabet. Commencer par savoir écrire, savoir lire. Savoir lire avec une lecture طيبة. La compréhension, كذلك, c'est ça le début. Il rentre dans des masses, il ne sait pas lire une page correctement. Et s'il la lit, il n'arrive pas à comprendre. Il faut qu'il reste à sa place et il apprenne ces choses. Et il laisse les autres masses et là d'autres. L'ulama, le mashayikh. Na'am, qal wa akhadha al-ilm ala tariqat salafih. Celui qui veut réussir, il prend l'ilm ala tariqat salaf. Wa taqaddam ma'ana. Naktafi bihada, subhanak lahum hamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.